Bon matin tout le monde, Danny Veilleux et le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que des Saguenay de Chicoutimi qui ont perdu hier par la marque de 4 à 1 contre les Screaming Eagles du Cap-Breton. Seul Zachary Lavigne a marqué le seul but de la rencontre. Maintenant, l'Avalanche du Colorado était également en action hier et du côté de l'Avalanche, ils ont perdu 4 à 1 également. Une passe pour Samuel Girard dans la partie. Maintenant, hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a fait le bilan des Génois d'Allemagne au football. Les Génois qui ont connu une bonne saison après avoir connu une saison très difficile l'an dernier. Et là-dessus, l'instructeur-chef Jean-Philippe Caron-Trembé reconnaît que la saison a été très, très positive. Mais au point de vue là, du bilan global, là, c'est quand même très positif. Je pense que si on regarde avec l'an passé, là, ça a été une année beaucoup plus difficile. Une année d'adaptation, ben, cette année on est arrivé plus fort, puis les gars commençaient à connaître mieux les systèmes, se sont entraînés plus fort, tout est un petit peu plus poussé, donc je pense que mes vétérans ont fait une bonne job, puis mes recrues, mon recrutement était très bon, donc là, c'est positif. Ouais, ok. Jean-Philippe Caron-Tremblay reconnaît dans un deuxième temps que la perte de Jean-Philippe Cordevoix fait mal. C'est difficile là, de dire si on les passait ou pas, mais c'est certain que Jean-Philippe c'était notre leader, là, c'était notre meilleur joueur offensif. Donc, la perte d'un bon joueur offensif, c'est toujours dur, mais la perte du meilleur carrière de la Ligue, d'après moi, c'est sûr que c'est difficile. Là, à partir de là, ça a été beaucoup plus difficile de faire des points et d'avoir des drives soutenus. Là, donc. Et dans un dernier temps, on sait que Jean-Philippe Cordero ne sera pas de retour avec les Génois d'Allemagne. Ça laisse un gros trou. Et Jean-Philippe Caron-Tremblay explique comment il entend boucher. Remplacer Jean-Philippe Cordero, c'est difficile. Mais je pense qu'on a déjà deux potentiels au niveau de notre équipe qui sont des receveurs, mais qui seraient capables. Sinon, ben, y a quelques noms là, sur notre liste de recrutement là, à travers le Québec, puis aussi un petit peu à travers la France. Donc, on met beaucoup d'emphase à se trouver un carrière, parce qu'on a des receveurs l'an prochain qui reviennent, qui sont plutôt très intéressants. Donc, il va y avoir des belles cibles, le carrière qui va venir chez nous. Maintenant, il suffit de Maintenant, on va parler du côté d'une transaction qui est survenue entre le multiconcessionnaire de Beaumont-Sessigny et les Éclairs de Charlevoix. Le multiconcessionnaire qui a acquis Luc Leclerc des Éclairs de Charlevoix, c'est en retour un choix de deuxième ronde au prochain repêchage. Je termine avec du hockey maintenant, du hockey simple. Il y avait des résultats qui se déroulaient en fin de semaine, des matchs, différents matchs. Catégorie Atome A, on a des résultats pour trois rencontres. D'abord, il est prévu de Lac-Saint-Jean gagner 6-0 sur les Hurricanes de Robertval. Les Aiglons d'Allemagne ont défait les Bulldogs Saint-Félicien 2-0. Dimanche, les Bulldogs Saint-Félicien ont gagné 3-1 sur les Hurricanes de Robertval. Du côté maintenant du Atome B, à noter que du côté de l'Atome B, verdict nul de 5-5 entre les Sabres de Robertval et également les Génois d'Allemagne. Les Castors de Debout et les Loups de Debout, ceci se sont livrés un verdict nul de 2-2. Et en catégorie Bantam B maintenant, à noter qu'il y avait des matchs et c'était une victoire des Bulldogs de Saint-Félicien 5-1 sur les Aiglons d'Alma. Je vous invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Stéphane Lebeau. On parle évidemment du Canadien de Montréal. Également, on a parlé avec Mathieu Delisle des Gaillards de Jonquière. Et Jean-Philippe Caron-Tremblay vient nous parler du côté des Génois d'Alma où on a dressé le bilan. Le sport local et régional à DanRadioSport.com, la référence du sport, on s'en occupe.